Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gemozo 107 FM. Aujourd'hui, une nouvelle, La Petite Mariée. Elle est écrite par Tagore, qui est né en 1861 à Calcutta, ville du Bengale, métropole de l'Inde anglaise. C'est un compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe. Il a été couronné par le prix Nobel de littérature en 1913. Il soutient, comme Gandhi, le mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Il a été élevé dans une famille d'artistes, de réformateurs sociaux et religieux, opposé au système des castes et favorable à une amélioration de la condition de la femme indienne. André Gide traduit de ses poèmes. Je vais vous en lire un extrait. Ma vanité de poète meurt de honte à ta vue, ô maître poète. Je me suis assis à tes pieds que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une flûte de roseau que tu puisses emplir de musique. On aimerait bien tous remplir une flûte de roseau de musique. En attendant, je vais donc vous lire sa nouvelle. Apurobo venait de passer à Calcutta ses examens de bachelier S.A.R. et retournait à son village. La petite rivière qui y coulait était toujours à sec une fois que la saison des pluies était passée. Mais en ce moment, pendant la mousson de juillet, les lourdes pluies l'avaient grossie et elle entourait maintenant toute l'enceinte du village jusqu'au bouquet de bambous. Le soleil avait reparu dans le ciel dégagé de nuages après les pluies torrentielles qui avaient duré plusieurs jours. Si j'avais pu lire dans l'esprit du jeune homme assis dans le bateau, j'aurais vu que le cours de ses pensées était semblable au cours de la rivière au début de la saison des pluies, aussi brillant sous la lumière, aussi agité qu'elle l'était par le vent. Le bateau sur lequel Apurbo s'était embarqué atteignit les marches du débarcadère d'où on pouvait voir à travers le feuillage épais des arbres le toit de sa maison. Personne n'était averti de son arrivée et c'est pourquoi il n'y avait personne pour l'accueillir sur le quai. Le batelier offrit de lui porter son sac, mais Apurbo le prit lui-même et joyeusement sauta du bateau. La rive était glissante. Il tomba de tout son long sur l'escalier boueux avec son sac. Alors, des éclats d'un rire charmant se firent entendre, qui effrayèrent les oiseaux nichés dans le banian du voisinage. Apurbo, un peu honteux, se releva et, se maîtrisant très vite, regarda autour de lui pour savoir qui se moquait ainsi de sa mésaventure. Il découvrit, assise sur un tas de briques récemment déchargées d'un cargo, une fillette qui riait aux éclats. Apurbo reconnut Mrin Mahi, la fille de leur voisin. Ses parents habitaient autrefois loin de ce village auprès d'une grande rivière. Mais cette rivière avait changé son cours et par suite, les parents de Mrin Mahi avaient dû quitter leur maison. Et ils étaient installés depuis 2 ou 3 ans, à peu près, dans le village d'Apurbo. On ne parlait que de Mrin Mahi dans le village. Les hommes l'appelaient les cervelilles. Et les mères de famille étaient dans une perpétuelle anxiété à cause de sa nature extravagante. Elle ne jouait qu'avec les garçons et avait le plus grand mépris pour les filles de son âge. Dans le royaume des enfants, elle était un fléau, comme les guerriers Mahrathas dans le royaume des Moghols. Son père l'adorait. Aussi avait-elle pris des habitudes d'enfant gâtée. Sa mère se plaignait souvent à ses voisines, disant que son mari élevait mal cet enfant. Mais comme elle savait qu'il serait extrêmement peiné s'il voyait sa fille en larmes, la mère, se souvenant de la tendresse de son mari qui travaillait loin du village, n'avait pas le cœur elle-même de punir Mrin Mahi. Le visage de Mrin Mahi, avec son teint vif de plein air, ressemblait plus à celui d'un garçon qu'à celui d'une fille. Ses cheveux coupés courts et bouclés ne descendaient que jusqu'aux épaules et ses grands yeux sombres ne montraient aucun signe de crainte ou de timidité. Elle était grande et bien faite, souple, vigoureuse, elle paraissait plus que son âge. Il était même si difficile de le deviner par son apparence qu'on aurait pu reprocher à ses parents de ne pas l'avoir encore mariée. Un jour que le bateau ramenait au pays le seigneur du village revenant de l'étranger, elle ne partagea pas le sentiment de crainte qui s'était emparé de tous les villageois. Et tandis que les femmes se couvraient la tête et le visage jusqu'au bout du nez, du pan de leur sari, Mrin Mahi, secouant sa crinière bouclée et portant dans ses bras un petit enfant tout nu, accourut la première pour l'accueillir sur le quai. Elle était comme un jeune faon dans un pays où il n'y a pas de chasseurs. Sans crainte, elle regarda avec curiosité le nouvel arrivant. Puis, alla raconter à ses amis, les garçons, tout le comportement de cette étrange créature. Notre Apurbo avait rencontré Mrin Mahi deux ou trois fois seulement quand il était venu passer ses vacances dans sa famille. Il avait pris l'habitude de penser à cette indépendante fillette très souvent pendant ses loisirs et même pendant son travail. On rencontre beaucoup de visages dans le monde, mais certains d'entre eux pénètrent dans notre esprit presque à notre insu. Ce n'est pas à cause de leur beauté qu'ils s'imposent à nous, mais plutôt à cause d'une autre qualité. Dans la plupart des visages, la nature humaine ne transparaît pas. Mais il s'en trouve cependant où cette qualité mystérieuse, intérieure, se manifeste spontanément. Alors, ce visage-là se fait remarquer entre mille autres et s'imprime tout à coup dans l'esprit. Une nature féminine, frémissante, impétueuse, se révélait comme en se jouant dans le visage et les yeux de Mrin Mahi. Elle était comme une biche, libre et aventureuse. C'est pourquoi, ayant vu une fois ce visage débordant de vie, on ne pouvait l'oublier. Aussi, les éclats de rire de Mrin Mahi, si mélodieux qu'ils fussent, peinèrent un peu le malheureux Apurbo. Il donna rapidement son sac au batelier afin qu'il le porte et courut, rouge de honte, jusqu'à sa maison. Autour de lui, le paysage était romantique, le bord de la rivière, l'ombre des arbres, le soleil du matin, le chant des oiseaux, et en lui sa jeunesse et ses 20 ans. Le tas de briques seul était difficilement en harmonie avec la scène, mais la jeune fille assise au sommet répandait sa grâce sur ce siège dur et froid. Est-il quelque chose de plus cruel que la transformation de la poésie en comédie dès les premiers pas dans ce paysage et sur cette scène? Avec son châle couvert de boue et son sac, Apurbo, passant sous l'ombre des arbres, se hâta vers sa maison, entendant toujours le rire perlé qui s'élevait de ce tas de briques. La mère d'Apurbo, qui était veuve, fut transportée de joie par le retour inattendu de son fils. Aussitôt, elle envoya ses gens dans tout le village pour chercher du lait frais, du lait caillé, du poisson de la rivière, le roui, dont les bengalis sont friands. Il y eut aussi une grande animation parmi tous les voisins. Après le repas de midi, la mère s'aventura à parler de mariage à son fils. Apurbo s'était préparée à cette attaque car elle avait déjà été faite auparavant, mais jusqu'à présent il l'avait repoussée en prenant prétexte des examens à préparer. Maintenant qu'il avait obtenu ses diplômes, il n'y avait plus d'excuses pour retarder ce qui était inévitable. Aussi, dit-il à sa mère que si elle pouvait découvrir une fiancée qui lui convienne, il était prêt à se décider au mariage. La mère répondit que la découverte était déjà faite et qu'il n'avait plus besoin de réfléchir. Mais Apurbo jugeait la réflexion nécessaire et il insista pour voir au moins la jeune fille choisie avant de donner son consentement à ce mariage arrangé pour lui. La mère accepta, bien que cette requête lui parût superflue. Ce soir-là, À Purbeau, ayant éteint sa lampe, resta étendu sur son lit dans sa chambre sans dormir. Il entendait constamment dans son insomnie le rire joyeux éclatant qui venait par-delà tous les bruits et par-delà tout le silence de cette nuit de la saison des pluies. Il pensait qu'il fallait absolument effacer la honte de cette chute du matin et il se disait que cette fillette ne savait pas qu'il était à Purbeau, Krishna, et qu'il était très savant, qu'il avait passé de longues années à Calcutta et que, s'il était tombé, c'était par accident. En vérité, il n'était pas n'importe qui. Le jour suivant, cependant, Apurbo sortit de sa maison pour faire cette visite en vue de son mariage. La fiancée, qui lui était destinée, habitait non loin de chez lui. Apurbo prit un soin particulier de sa toilette ce jour-là. Il mit un dhoti, un veston de soie appelé chapkan à la mode musulmane, et une grande écharpe, chadar. Enfin, sur sa tête, il mit un turban rond. Il n'oublia pas ses souliers vernis et son parapluie de soie. La réception dans la maison du futur beau-père fut bruyamment cordiale. La petite fiancée, lavée, peinte, vêtue d'un sari de couleur, fut amenée toute tremblante devant à Purbeau. Elle s'assit silencieusement dans un coin de la pièce, le pan de son sari qui recouvrait sa tête lui tombait jusqu'au menton. Elle se tenait si courbée que sa tête touchait presque ses genoux. Une servante d'un certain âge s'installa derrière elle pour l'encourager. Son jeune frère s'assit tout près et observait avec curiosité à Purbeau son turban, sa chaîne de montre, sa nouvelle barbe naissante. Après avoir caressé pendant quelque temps sa moustache, Apurbo demanda solennellement à la jeune fille « Quel livre étudiez-vous dans votre école ?» Aucune réponse ne sortit de ce tas de timidité, couvert de vêtements et de bijoux. Après avoir répété deux ou trois fois cette question, et après d'encourageantes poussées dans le dos de la part de la servante, la jeune fiancée énonça tout d'un trait les noms de tous ses livres de classe. À ce même moment, on entendit au dehors le bruit d'une course rapide. Emrin Mahi, les cheveux flottant dans le dos, se précipita hors d'haleine dans la pièce. Elle ne fit pas la moindre attention à Apurbo Krishna, mais s'empara tout de suite de la main du jeune frère Rakal et essaya de le tirer dehors. Mais Rakal était trop occupé à cultiver avec le plus grand soin ses facultés d'observation et refusa de bouger. La servante s'efforça de gronder Imrin Mahi tout en gardant un ton de voix dans les limites d'un décorum de circonstance. Apurbo conserva son calme et sa dignité et resta tranquillement assis, caressant machinalement des doigts sa chaîne de montre. Quand tous les efforts de Imrin Mahi pour entraîner Rakal eurent échoué, elle donna au garçon une claque retentissante sur l'épaule, puis elle releva le voile qui cachait le visage de la fiancée et s'échappa de la pièce comme une tornade en miniature. La servante ronchonna, bougonna et Rakal se mit à rire de toutes ses forces en voyant le voile de sa sœur si prestement relevé. Il ne prenait évidemment pas en mauvaise part le coup qu'il avait reçu parce que les deux compères avaient un échange constant de pareille amabilité. Autrefois, par exemple, Imrin Mahi avait de longs cheveux qui lui descendaient jusque la taille. Un jour, Rakal y mit les ciseaux et s'y prit avec tant de gaucherie que la fillette en colère les lui arracha des mains et compléta seule l'œuvre de destruction, laissant dans la poussière du chemin une masse de boucles sombres comme une grappe de raisin noir. Après l'irruption de Imrin Mahi, cette séance d'examen s'arrêta court. La jeune fille se leva avec difficulté de son siège et rentra avec la servante dans les appartements intérieurs. Apurbo se leva aussi et toujours tiraillant sa moustache s'apprêta à sortir. Il s'aperçut alors que ses souliers vernis avaient disparu du seuil où il les avait déposés en entrant, comme il est coutume de le faire. On les chercha de tous côtés, on ne les trouva nulle part. Il ne restait rien d'autre à faire qu'à emprunter au maître de maison une paire de vieilles sandales qui faisaient triste mine à côté du reste de son habillement. Quand Apurbeau atteignit le sentier du côté de l'étang du village, le même éclat de rire qu'il avait entendu la veille s'égrena dans l'air, comme si dans le feuillage des arbres, une nymphe curieuse ne pouvait plus retenir son rire en voyant cette paire de sandales qui n'étaient pas à leur vraie place. Et, tandis qu'il se tenait irrésolu, regardant autour de lui, l'impudente coupable sortit du bosquet et jeta les souliers vernis sur le chemin devant lui, puis tenta de se sauver. Apurbeau la poursuivit si rapidement qu'il la retint captif par le poignet. Brinemailly se trémoussait, s'agitait, mais ne pouvait se libérer. Un rayon de soleil tomba sur son visage espiègle à travers une brèche dans les branches au-dessus de sa tête. Et Apurbeau regarda intensément dans ses yeux scintillants comme des étoiles, en se penchant vers elle, comme un voyageur curieux regarde dans le fond du ruisseau clair et agité. Brillant de soleil! Il semblait hésiter à compléter cette aventure, puis lentement il relâcha son étreinte et laissa sa captive s'échapper. Si Apurbeau avait, dans sa colère, tiré les oreilles de Brinemailly, elle n'en aurait pas été étonnée. Mais ce châtiment silencieux dans ce chemin désert lui parut sans objet. Apurbeau, pensif, atteignit à pas lents sa maison, tandis que le ciel retentissait encore de cet éclat de rire comme le tintement des grelots des anneaux des chevilles de la nature dansante. Toute la journée, sous des prétextes divers, Apurbeau évita de rencontrer sa mère. Il prit son repas chez un voisin qui l'avait invité. Il est difficile de comprendre pourquoi un jeune homme cultivé et instruit comme l'était Apurbeau avait un tel désir de montrer toute sa valeur à une petite villageoise. Quel mal y aurait-il eu si, dans son ignorance pitoyable, elle eût fait peu de cas de lui, le savant Apurbeau, et qu'elle eût choisi ce pauvre étourdi de racal comme compagnon? Pourquoi désirait-il lui faire savoir qu'il faisait des comptes rendus de livres dans la revue mensuelle Visvadit et qu'il avait un manuscrit assez considérable au fond de sa malle, avec ses flacons de parfum, son élégant papier à lettres de couleur et ses livres pour apprendre l'harmonium? Ce manuscrit n'attendait que l'occasion pour être publié. Mais il n'est pas aisé de se consoler, et Apurbeau Krishna n'était pas prêt à admettre sa défaite auprès de cette instable jeune fille de village. Dans la soirée, la mère d'Apurbeau lui demanda « Eh bien, es-tu content de cette fiancée que nous avons choisie pour toi ?» Apurbeau répondit avec une légère hésitation. « Oui, une des jeunes filles me plaît. Une des jeunes filles, s'exclama-t-elle étonnée, que veux-tu dire ?» Après de nombreux efforts et de multiples questions, elle arriva à découvrir que son fils avait choisi Brinemailly comme fiancée. Quel choix pour un garçon si instruit! Au début, Apurbeau fut très rempli de confusion, mais quand il comprit que sa mère ne cesserait pas de s'opposer à son projet, il abandonna toute honte et lui dit fermement « Je n'épouserai personne d'autre que Brinemailly ». Plus il pensait à l'autre fille, immobile comme une statue, plus il prenait en horreur l'idée du mariage. Il s'ensuivit une longue lutte entre la mère et le fils, mais Apurbeau en sortit vainqueur. La mère se persuada que Brinemailly n'était pas totalement incapable de progrès. Elle commença à comprendre que le visage de la jeune fille avait un charme particulier, mais la minute suivante, elle revoyait la tête aux cheveux courts et elle en avait un sentiment de répulsion. Elle reconnaissait cependant que les cheveux sont plus raisonnables que la nature humaine. Les fiançailles furent faites. Le père de Mrin Mahi, Isnam Mazumdar, reçut la nouvelle des fiançailles de sa fille. Il était employé dans une compagnie de bateaux à vapeur dans une petite ville éloignée sur la rivière. Il était occupé toute la journée à vendre les billets de passage et à charger et décharger les cargos. Il habitait une petite hutte au toit de tôle ondulée. Ses yeux se remplirent de larmes quand il reçut la lettre annonçant ce qui s'était passé. De combien de joie et de combien de peine son émotion était-elle faite ? Il est bien difficile de le dire. Ihsan fit une demande au bureau principal à Calcutta pour obtenir un congé. La raison du mariage n'était pas, aux yeux du directeur anglais de la compagnie, une raison suffisante pour l'obtenir. Aussi la demande fut-elle rejetée. Ihsan alors pria pour que le mariage fût retardé jusqu'aux vacances de l'automne, mais la mère du fiancé fit répondre que le jour propice tombait cette année, pendant la dernière semaine du mois en cours, et qu'il était impossible d'attendre. Aussi, Ihsan continua-t-il à vendre les billets et à charger et décharger les bateaux de commerce, le cœur lourd, puisque ses requêtes étaient repoussées des deux côtés. Après cela, la mère de Mrin Mahi et toutes les mères de famille du village commencèrent à lui expliquer ses futurs devoirs de maîtresse de maison. Elle fut mise en garde contre l'amour des jeux, la vivacité de ses mouvements, les rires tapageurs, la compagnie des garçons, son insouciance des bonnes manières à table, insouciance qui ne serait pas tolérée dans la famille de son mari. Toutes ces dames réussirent complètement à lui présenter comme une terrible et étroite contrainte la vie d'une femme mariée. Et Mrin Mahi accepta la demande en mariage comme on accepte une sentence d'emprisonnement à vie, avec la pendaison au bout. Comme un petit poney ombrageux, elle s'emballa et dit « Je ne veux pas me marier ». Mais elle dut se marier tout de même. Et alors commencèrent les leçons. L'univers entier se rétrécit aux limites de la maison de sa belle-mère. Cette dernière entreprit aussitôt sa tâche de réformatrice. Le visage durci, elle dit « Mon enfant, vous n'êtes plus un bébé. La vulgarité bruyante de vos manières n'est pas convenable dans notre famille. » La morale que Mrin Mahi tira de ses leçons fut qu'il lui fallait un endroit qui soit à elle. Et tout l'après-midi, on ne la trouva nulle part. On la chercha en vain. On ne l'aurait pas découverte si son ami Rakal n'avait joué le rôle de traître et révélé sa cachette. Un vieux chariot de bois, cassé et abandonné sous le banyan, qui servait autrefois à transporter la statue du dieu dans les cérémonies. Et il est facile d'imaginer que Mrin Mahi fut grondé sévèrement par toutes les voisines. Ce jour-là, il y eut un gros orage et la pluie tomba vers le soir. Apurbo, se rapprochant de Mrin Mahi, dans son lit, lui murmura « Mrin Mahi, ne m'aimez-vous donc pas ?» Mrin Mahi, en colère, répondit « Non, je ne vous aimerai jamais !» Ce fut comme si la foudre était tombée sur la tête d'Apurbo, avec toute la colère et la rancœur qu'il y avait en Mrin Mahi. « Mais quel mage vous ai-je fait » dit-il. « Pourquoi m'avez-vous épousé ?» répliqua-t-elle. Donner une explication satisfaisante était bien difficile. Aussi Apurbo se dit à lui-même « Il me faut vaincre ce cœur rebelle ». Le jour suivant, la belle-mère, remarquant des signes d'irritation chez sa bru, l'enferma dans une chambre. Quand Mrin Mahi se rendit compte qu'elle ne pouvait pas sortir, elle mit en pièces les draps du lit et les déchirant dans sa colère avec ses dents, et elle se jeta sur le sol, éclatant en sanglots et appelant dans sa détresse « Père, père !» À ce moment-là, quelqu'un entra et s'assit près d'elle. Il caressa ses cheveux ébouriffés, tandis qu'elle se tournait et se détournait de tous côtés. Mrin Mahi secouait la tête avec colère, repoussait cette main amie. Apurbo, car c'était lui, pencha son visage vers l'oreille de Mrin Mahi et lui murmura « J'ai secrètement ouvert la porte, nous pourrons nous échapper par derrière. » Mrin Mahi de nouveau secoua la tête avec violence et dit « Non !» Apurbo essaya de soulever doucement son visage en lui prenant le menton, lui disant « Regardez qui est venu !» Rakal était là, en effet, et se tenait d'un air sot à la porte, regardant Mirmaï. La toute jeune femme repoussa la main d'Apurbo sans lever la tête. Et il dit alors, « Rakal est venu pour s'amuser avec vous. Ne voulez-vous pas sortir ?»« Non, » dit-elle. Et Rakal fut grandement soulagé d'avoir reçu son congé. Apurbo s'assit, immobile et silencieux. Mirmaï pleura jusqu'à ce qu'elle fût si fatiguée qu'elle s'endormit. Alors, Apurbo sortit doucement et ferma la porte. Le jour suivant, Mirmaï reçut une lettre de son père dans laquelle il exprimait son regret de n'avoir pas pu être présent au mariage de sa fille chérie. Il terminait en lui envoyant sa bénédiction. Mirmaï alla trouver sa belle-mère et lui dit qu'elle devait aller voir son père. Elle fut aussitôt rabrouée. « Votre père ! Voir votre père ! Quelle demande en vérité ! On ne sait où habite votre père ! Comment pourriez-vous aller chez lui ?» Mirmaï, au désespoir, revint dans sa chambre et s'y enferma. Et dans sa désolation, ne cessait de dire « Père, emmenez-moi loin de cet endroit. Ici, personne ne m'aime. Je mourrai si je reste dans cette maison. » Au milieu de la nuit, quand son mari fut profondément endormi, elle ouvrit la porte sans faire de bruit et sortit de la maison. Il y avait des nuages au ciel, mais la lune toutefois brillait assez pour lui montrer le sentier. Mais Mirmaï n'avait pas la moindre idée du chemin à prendre pour arriver chez son père. Elle croyait que la route que prenait le courrier de la poste conduisait à toutes les adresses de tous les hommes du monde. Aussi, c'est de ce côté qu'elle partit et se mit à marcher, si bien qu'elle était très fatiguée comme la nuit touchait à sa fin. Les oiseaux matinaux gazouillaient leur salut à la lumière du matin quand Mirmaï arriva au bout de la route, près du bord de la rivière où il y avait un grand marché. À ce moment-là, elle entendit le cliquetis de l'anneau de fer qu'agitait le courrier. Elle se précipita vers lui et d'une voix fatiguée mais avec insistance, elle lui cria « Je veux aller chez mon père à Kushiganj. Emmenez-moi avec vous. » Le courrier lui répondit en hâte qu'il ne savait pas où se trouvait Kushiganj. Et aussitôt, il éveilla le batelier du bateau postal et monta à bord. Il n'avait le temps ni d'avoir pitié, ni de poser des questions. Pendant ce temps, Mirmaï était descendue sur les marches de l'escalier du quai et elle appelait un bateau. Déjà le marché et le bord de la rivière étaient tout à fait animés. Avant que le batelier eût répondu, quelqu'un qui était dans une barque proche de cet endroit appela à haute voix. « Hé là, Brinu, comment êtes-vous venu ici ?» Elle répondit avec joie à l'homme qui l'avait reconnue. « Banomali, je dois aller chez mon père à Kushiganj. Je vous en prie, emmenez-moi dans votre bateau. » Ce batelier était un homme de son village et connaissait Mirmaï et son caractère fantasque. Il lui dit « Vous voulez aller chez votre père ? C'est bien, je vais vous y conduire. » Mirmaï sauta dans la barque. Les nuages au ciel devenaient plus épais, la pluie se mit à tomber en cascade. La rivière, grossie par ses pluies de mousson, secouait fortement le bateau. Mirmaï s'enroula dans son sari et cette jeune personne turbulente s'endormit comme une enfant très calme, choyée par la nature, dans ce bateau qui était pour elle comme un berceau. Quand elle s'éveilla, elle se retrouva dans son propre lit, dans la maison de sa belle-mère. La servante commença à la réprimander dès qu'elle la vit réveillée. La belle-mère vint après. Comme elle entrait, Mirmaï ouvrit de grands yeux et la regarda en silence. Mais aussitôt que la belle-mère fit allusion à la mauvaise éducation de la famille de Mirmaï, celle-ci se précipita hors de la chambre et entra dans la pièce voisine dont elle ferma la porte à clé. Apurbo alla trouver sa mère et lui dit « Mère, je ne vois aucun mal à envoyer Mirmaï pour quelques jours chez son père. » La mère gronda Apurbo en termes violents pour avoir choisi cette petite furie parmi toutes les jeunes filles qu'il aurait pu avoir pour femme. Ce jour-là, il avait plu et il y avait eu de l'orage dans l'air. Et l'orage était aussi dans les cœurs. Eh bien voilà, voilà, la première partie de notre nouvelle, La petite mariée. Myrne Maï va partir certainement voir son père, ça j'en suis persuadée. Autrement, on va passer une petite musique donc, du Bangladesh, Ravindra Sajit, c'est de Tagore aussi. Voilà, à bientôt. Passez une bonne semaine sur Radio Gemozo 107 FM. প্রভাত বহে যায় যে মেলো আঁখি জাগো জাগো থেকো নারে অচেতন ওঠো কঠোরে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে মেলো আঁখি জাগো জাগো থেকো নারে অচেতন ওঠো কঠোরে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে পথে ওঠো কঠোরে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে মেলো আঁখি জাগো জাগো থেকো নারে অচেতন ওঠো কঠোরে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে বুঝি প্রভু একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে শুনো সে আহ্বান বাণী চাহ সেই মুখ পানে তাহারও আশিস লয়ে চলো রে যাই সবে তারো কাজে ওঠো কঠোরে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে মেলো আঁখি জাগো জাগো থেকো নারে অচেতন ওঠো কঠোরে বিফলে প্রভাত বহে যায় যে